Chapitre 55e, le sérum japonais. Quand le coup de téléphone arriva pour Limbroquet, le détective se trouvait précisément chez le docteur Montreuil. Tous deux se disposaient à gagner la villa de Miss Hidden. Le docteur Montreuil préparait sa trousse, empaquetait précieusement les ampoules d'un nouveau sérum qu'il voulait essayer. Il y a dans cette effroyable maladie dont se meurt cette jeune femme quelque chose qui m'échappe et que mes confrères, à qui j'ai communiqué pour l'analyser le sang de la malade, ne découvrant pas plus que moi. C'est la marche inattendue du mal. J'ai bien, nous avons tous reconnu le microbe de la peste. C'est un petit bâtonnet très court, à corselet clair, à bout arrondi, tel que l'a découvert le docteur Yersin. C'est bien la peste, incontestablement, qui frappe cette malheureuse. Mais jamais cas de peste n'a présenté ces symptômes déconcertants. La peste bubonique ou septicémique, qui me semblent les deux formes dont nous ayons à nous occuper ici, manifestent leur violence par une fièvre intense, des hémorragies, du délire, et la prostration qui aboutit rapidement au coma, à la mort. Or, Mme Garitsa, jusqu'à présent, même après les injonctions de sérum, n'a pas eu de fièvre. En effet, mais son bourreau appelait ce mal la peste lépreuse, n'est-ce pas une variété encore peu connue, peu étudiée en Europe? Non. Je crois plutôt que nous avons là un cas de lèpre à marche rapide. La lèpre ne donne pas la fièvre, et sa seule différence en ce cas serait ses progrès rapides comme ceux de la peste, d'où son appellation peste lépreuse. Or, contre la lèpre, nous n'avons pas de sérum. Donc, pour cet infortuné, c'est infailliblement la mort, hélas. À ce moment, le domestique remit une carte à son maître, qui lut tout haut, non sans quelque étonnement. Le docteur Yiritsu, de l'Institut Roux, de Yokohama. Un japonais. Fit malgré lui Paul Limbroquet. Oui, je le connais de nom. C'est un savant bactériologiste qui précisément s'occupe du sérum Yersin et étudie la peste lépreuse au Japon et dans les Indes. Le docteur Yiritsu fut introduit quelques instants après. C'était un homme petit, un peu voûté, à la figure osseuse, d'âge indéfinissable, comme tous les orientaux pour qui les calendriers européens n'ont aucune valeur, l'air extrêmement intelligent et dont les yeux bridés sous les lunettes d'or semblaient scrutateurs, actifs au plus haut point. Il entra franchement, et après avoir salué rapidement le docteur et Paul Limbroquet, il dit « Docteur Montreuil, maître, un de vos confrères vient de m'apprendre que vous vous occupiez d'un cas de peste très rare, très curieux. » À ces indications, j'ai cru reconnaître la lèpre foudroyante pestiforme dont nous nous occupons fort au Japon. J'ai eu de nombreux cas à traiter. Voici le sérum que j'emploie. Je viens vous en offrir quelques tubes. Puis il dit, après quelques secondes de silence, si le mal est pris au début, nous avons des chances de guérison. C'est-à-dire que nous évitons la mort. La mort évitée, nous nous trouvons en présence d'une sorte de lèpre, d'un éléphantiasis spécial, dont l'évolution est lente et que nous pouvons sinon guérir, c'est jusqu'à présent impossible, du moins atténuer à force d'hygiène et de soins. Il demanda. Depuis combien de jours exactement le mal s'est-il déclaré? Cela fait 3 jours. C'est bien tard, bien tard. Mais enfin, vous avez déjà injecté le vaccin de Lufkin, le sérum de Yersin. Nous avons des chances. Celui-ci peut produire son effet. Il remit au docteur Montreuil quelques tubes précieusement enfermés dans une boîte de fer. Et il ajouta, avec une intonation dont seul Paul Limbroquet pouvait apprécier la valeur, « Je serais heureux d'avoir contribué à arracher cette malheureuse jeune femme à un destin effroyable qu'elle ne mérite pas. » Et après avoir énergiquement serré les mains du docteur Montreuil et de Paul Limbroquet, il se retira franchement, comme il était venu. Peu après, le docteur Montreuil et le détective montaient dans l'auto et Sidi les transportait à la villa. « Que pensez-vous de cette offre de sérum ?» demanda le docteur à Paul Limbroquet en route. « Faut-il l'employer ?»« Oui, » dit franchement le détective. Il ajouta. « Les Japonais font preuve ici de loyauté. Ils veulent nous montrer que s'ils cherchent par tous les moyens possibles à servir leur patrie, ils entendent ne s'attaquer qu'aux hommes. » mais qu'il réprouve une infamie dont une femme est la victime. Le docteur Montreuil ne comprit peut-être pas tout le sens de cette phrase. Il l'approuva quand même, tout en examinant les tubes de sérum du docteur Yiritsu. « D'ailleurs, fit-il, les tubes portent l'estampille du docteur Roux, c'est une garantie. » Quand il fut au chevet de la malade, il constata avec effroi la marche rapide du mal. Les mains, les pieds étaient bleus, insensibles comme déjà morts, et sur le corps, qui se boursouflait par endroits, apparaissaient d'énormes boutons qui, au sommet, verdissaient et allaient sous peu suppurer. La figure elle-même enflait et devenait méconnaissable, horrible. Consciencieusement décidé à lutter jusqu'au bout, le docteur Montreuil fit donc les injections de sérum du docteur Yeritsu. Miss Seddon, Paulin Broquet, l'assistait dans cette nouvelle et maintenant très pénible opération. Infirmière admirable, sœur de charité, Miss Seddon encourageait la patiente, lui faisait entendre des paroles d'espoir et cherchait elle-même à sourire pour se donner l'air d'avoir foi dans les promesses qu'elle faisait. Puis, quand la malade, lasse, accablée, commença à fermer les paupières, à vouloir se reposer, dormir, Miss Seddon, le docteur Montreuil et Paulin Broquet se retirèrent doucement. Ils n'étaient sortis que depuis quelques minutes, quand Madame Garitza, qui semblait dormir plutôt, ouvrit les yeux. Elle se dressa sur ses oreillers, puis avec effort, péniblement, sauta à bas du lit. Lentement, ne voulant pas faire le moindre bruit qui pût la trahir, elle traversa la chambre, poussa la porte seulement à demi fermée, et s'engagea dans le couloir qui conduisait au cabinet de travail où elle savait que les hôtes de la villa s'étaient réfugiés. Par précaution pour l'entendre et accourir au premier appel de la malade, on avait laissé la porte du cabinet également à demi ouverte. Madame Garitza put donc facilement saisir ce qui se disait là. « Je vous dis là, mes amis, faisait le docteur Montreuil, des paroles que jamais un médecin ne devrait prononcer. « Elle est décidément perdue ?» demanda Miss Seddon. « Oui, la science humaine est impuissante. Dans 2 jours, demain peut-être, cette malheureuse aura fini de souffrir. C'est épouvantable !»